tout pile 14h. Il est 14h02, bienvenue à tous et à toutes. Si vous prenez l'écoute, voici l'émission Music Dance jusqu'à 17h. Voilà donc eh bien, l'émission pendant les 3h. Et j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà donc l'émission avec variétés différentes. Et puis donc on va débuter l'émission avec Bob Marley et puis suivi d'Indochine. I can find some peace and rest. When I'm in my sorrows, yeah. It's only me feels the pains and pains. Not one good word of advice from any I just can't find no love, no sympathy. What kind of love? Might as well. I get out. c'est de toi.

Petite, déjà tu éparpillais les joujoux, les marguerites, les cahiers, les poupées et les images, la ménagerie en bois, tout s'égarait sous l'orage de tes doigts. Moi je glissais sur mes billes, sur mes bouts de mécano, avec la petite fille du chaos. Nous disions des mots étranges, Charlemagne ou Alésia. Nous parlions comme les anges, Charabia. Le monde est en miettes, cubes et cerceaux. N'oublie pas Fillette, mon cœur en morceaux. Je t'avais perdu de vue lorsque des années plus tard, j'ai vu courir dans la rue un foulard, un fichu multicolore dans les flammes de printemps, papillons ou météores éclatants. En suivant la foule fleuve, je m'éparpillais aussi le long des ruelles neuves, et voici comment je t'ai rencontré dans l'océan des humains. Soudain tu t'es amarré à ma main. Le monde est en miettes, cubes et cerceaux. N'oublie pas Fillette, mon cœur en morceaux. La montre a rendu son âme, le cerf-volant est cassé, le train a tranché la trame du passé. Le feu brûle ses lumières d'hier comme de demain, sur l'asphalte buissonnière des chemins. Courant à travers les âges, les trottoirs ensanglantés, j'ai retrouvé ton visage éclaté. On nous a mis des menottes comme pour nous réunir, tragédie ou anecdote, souvenir. Le monde est en miettes, cubes et cerceaux. N'oublie pas Fillette, mon cœur en morceaux. Pour te faire ma demande, je ne mettrai pas de gants, ni cuirasse, ni guirlande de slogans. Je te dirai que je t'aime sans fleurette ni tambour. Il est bloqué le système de l'amour. N'oublie pas Fillette, mon cœur en morceaux. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Quand on est petit, on a envie d'être embrassé. Et puis on vieillit, on tue sa vie, on est pressé. Et de maladresse en erreur, on suit des sentiers où le mot bonheur tombe à côté. C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer comme on le croyait. Face au temps qui passe, on oublie quelques illusions. On est face à face avec je vis et nous vivons. Quand il faut choisir entre mes amours et le tien, je sens l'avenir très incertain. C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer comme on le croyait. Quand on s'accompagne vivre à deux le quotidien. C'est l'autre qui gagne, même si on a tout dans les mains. Je te dévisage, le cœur au bout de mes regrets. Tu es le voyage de mes après. C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer comme on le croyait. C'est pas facile d'aimer comme on le voudrait. C'est pas facile d'aimer. Sans une explication, tu vis en voyage et dans tes bagages la drôle de façon. Tu me téléphones de Pékin, de Rome, pour me dire qu'il fait beau. Mais je te pardonne car tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme. Voici deux titres différents du country, et plutôt après, nous voici le Tyrol. Viva, oh viva Tyrol, in je leren brugspier boven op de stoel. Ben je kletsen op een echt Tyroler bal, een echt koning aan de door het ganse dal. Viva, oh viva Tyrol. Ging je 40 keer op het Tirol? zie je wolken en honderden wagen van stal. De koppelbak kan schoon gelooien, de bergen schoon groot in het vet. Het reisdoel, dat kent je wel rooien. Niet die roelofboom, die nam ik met. Oh, you're new. voici tout simplement et bien le nouveau de Céline Dion avec Courage, et puis juste après un petit cours, tout simplement un petit bonjour à Lélise avec son titre tout simplement Le Défi. Voici tout simplement. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end. In conversations that'll never end. Courage, don't you dare tell me now. I need to dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Side on my hands, but I won't let you go. There's no more place in the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe. Thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then. In conversations that will never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubt. Radio Arc-en-Ciel. Pourquoi est-ce que j'ai si peur dans le noir? Pourquoi est-ce que je déteste les miroirs? Pourquoi suis-je si craintif? J'ai redouté, je veux changer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte.

clair court. Voudras-tu si besoin te confier aux copains? On fera semblant d'être les meilleurs amis, même si je dois souffrir, j'en aurai du temps à me dire des si. Mais j'ai nos souvenirs. Alors, tout n'est pas terminé encore. Yeah, yeah. Laisse-moi le temps. Fera semblant. Oh non. Oh. Fera semblant. Fera voici donc bien du country. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. And she said, I know how to help. I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance. Tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice. Mm-hmm. more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. Rock'n'roll banane, reggae, jalousie, voyage en minibus, en terre de troisième sort. Il y a tout et même plus pour finir à l'histoire. Oh, j'aime ce petite gueule d'amour, je le suis dans sa galère, je le suivrai toujours, et je ne veux pas m'en refaire. J'ai caressé son jean, j'ai dormi sur sa guitare, je crois que je l'imagine, son fait bizarre, bizarre. Quand Dieu me dit what I said. Le jour et l'endroit, même à l'autre. qu'importe le trajet, je te retrouverai. J'ai semé tant de peines et de soupirs. J'ai flirté parfois même avec le pire. Mais je t'ai trouvé le chemin à prendre pour enfin me comprendre. Et je t'ai trouvé plus qu'un pas à faire vers tout ce que j'espère. Donne-moi. Donne-moi du temps. Je ne vis qu'en équilibre. Donne-moi l'envie d'être libre. Je vois bien tes distances, les yeux ailleurs. Je sais bien la violence qui te fait peur. Mais j'ai tant changé, tellement fait pour toi, pour que tu veuilles de moi. Laisse-moi te montrer l'envers à ma vie et celle que je suis. Donne-moi du temps, ce que j'attends pour vivre. Donne-moi. Donne-moi l'envie d'être libre. Donne-moi du temps, ce que j'attends. Donne-moi du temps, ce que j'attends pour vivre. Donne-moi du temps, je ne vis qu'en équilibre. Donne-moi l'envie d'être libre. Ce que j'attends. Voici un petit bonjour à Florian. Voici quelques morceaux portugais. Já vai começar. No ritmo da dança, quero sentir o teu gingar. A hora é esta, eu vim para te convidar. Quero uma resposta antes do desejo acabar. Convida-me, jantar. Convida-me, bailar. Jantar, convidei-me, Raja vai começar. No ritmo da dança, quero sentir o teu gingar. Confirma, jantar. Conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. É dança do mangolé. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. O fofo me convidou. Conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. É dança do mangolé. Ai uê, ai uê. É dança do mangolé. Quero dançar. quero dançar com o fofo. O fofo me convidou, conheci agora há pouco. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. É a dança do mangolê. Quero dançar com o fofo. Quero dançar com o fofo. Voici les mannequins. Voici Franck Michael avec tout simplement le son des 45 tours. Et puis suivi de Daniel Azanov. Et puis Adoué. C'était le temps du rock et de l'adolescence, du printemps de la vie et de l'insouciance. On découvrait les filles, la musique et l'amour, au son des 45 tours, ouais, au son des 45 tours. On rêvait de Mustang et d'Harley Davidson, de chanteurs de légende et de Guitar Gibson. On découvrait le monde, la musique et l'amour, au son des 45 tours, ouais, au son des 45 tours. C'était le temps béni des idoles et aussi le temps d'aimer. Des années belles, des années folles et de nos premiers baisers. On écoutait Elvis, les groupes américains, le hit parade d'Europe à Salut les copains. On découvrait la vie, la musique et l'amour, au son des 45 tours, ouais, au son des 45 tours. Et aussi le temps d'aimer. Des années belles, des années folles et de nos premiers baisers. C'était le temps du rock et de l'adolescence, du printemps de la vie et de l'insouciance. On découvrait la vie, la musique et l'amour, au son des 45 tours. Au son des 45 tours. On rêvait de Mustang et d'Harley Davidson, de chanteurs de légende et de Guitar Gibson. On découvrait le monde, la musique et l'amour, au son des 45 tours, ouais. Au son des 45 tours, ouais. Au son des 45 tours. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. Every leg is the same.

ça avait été si bien pensé. Les idées claires et des gestes méthodiques. Elle portait des dessous satinés et laissait prédire un moment magique. Le regard des hommes n'est qu'une illusion, fragile, elle y prête attention. Oh, oh, oh. Pour oublier une vie d'exil, un pays en voie de destruction. Allume une cigarette et se penche par la fenêtre. La fontaine reflète des larmes ses yeux. Au loin, le brouillard défie le feu. Se laisser prendre au jeu encore une fois pour voir éteindre la lumière. Oh, oh, et rêver au bonheur d'autrefois. Chantons l'humanité Bonjour, c'est Violette Chiara sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Isa Privé avec Donne-moi le temps. Et puis juste après, ce sera tout simplement Tricia. Temps pour entendre, donne-moi le temps pour apprendre, donne-moi ce temps de vie pour comprendre, prendre le temps.

Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi. L'Association portugaise de Gien organise une soirée dançante au Baile do Ano. C'est quand? Le 30 novembre 2019. C'est où? À la Salle Cuiri à Gien. Et avec qui? Avec le groupe Capa Negra e o Cri Ribeiro, à Salle Cuiri à Gien, réservation au 02 38 38 16 64 ou au 06 33 01 83 00. Venez nombreux, venons tous ver, ouvir et dançar au Cris Ribeiro et Capa Negra, le 30 de novembre, en Gien, Salle Cuiri. Hop, vamos lá todos. On y va? Oui. J'ai pris ton utilitaire? Oui, 199 euros par mois. Pour le même prix, j'ai un Vito Mercedes-Benz. Je t'ai toujours détesté. Je sais. En ce moment, offrez-vous un Vito Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire pour seulement 199 euros par mois. Entretien, extension de garantie, remplacement des pièces d'usure, avantage service care inclus. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Vito fourgon 110 CD en crédit bail facilité 36 mois, 90 000 km. Premier loyer 4 534 euros hors taxe à professionnel, valable jusqu'au 31/12/2019. C'est acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur mercedes-benz.fr. Bénéficiez de cette offre en Étoile Pro, ou seu distributeur Mercedes-Benz en Orléans et Montargis. Retour avec les chansons et voici l'accordéon. Thank you. chanson je l'ai choisie. Regardez dans tes yeux un air qui me rend heureux. Je dois partir, chérie. Moi Avoir

sauver. Quand tombe sur tes cils un voile de flocons, c'est le froid qui habille les toits des maisons. Quand le ciel te fait des dons, à ta porte sans te prévenir à l'âge des amours mortes. T'as su me cueillir dans tes bras pour me guérir. Je reviendrai m'étendre si tu savais m'attendre. On se marierait quelque part au mois de mai. Sa vie sous influence. Être viril, c'est oser passer pour un garçon manqué. Être aimé, l'accepter et ne plus jamais regretter. Et si je ne suis pas la meilleure, que pour certains j'en fais trop, je ne suis pas une erreur. Je n'y laisserai jamais ma peau. De tous les contes, je porterai mes idées sur le monde. Je serai mon héroïne, vivant jusqu'à la fin du film. Une femme qui affronte et qui n'aura plus jamais honte. Je porterai mes idées sur le monde. Être à faune, à parler, des heures durant des soirées. Être sûr, être soi, jamais se laisser insulter. Être une fille, être une meuf, être plutôt trop que passé. Être vivante, attachante et accepter son passé. Je ne serai toujours pas la meilleure, pour certains j'en ferai toujours trop. Je ne suis pas une erreur et j'y laisserai jamais ma peau. De tous les contes, je porterai mes idées sur le monde. Je serai mon héroïne, vivant jusqu'à la fin.

des chansons. En mille étoiles, mille frissons. Et moi je caresse les mots. Je voyage sur la musique. Je rythme ma vie au tempo de mes trois passions artistiques. Elles sont là ancrées en moi comme l'air un premier amour. Elles me suivent pas. Paloma una vez me dijo que no la dejara volar, que la llevara a ver la puerta del sol a la orilla del mar, que le acariciara la pluma cada vez que se quisiera acabar, y que ella por siempre y para siempre de mi mano el pan puede picar. Una paloma que vino de siempre a nuestro cielo, no es de perdonarte. Una paloma. La petite gitane que j'ai toujours aimée. J'ai tellement rêvé de t'avoir entre mes bras, de voler avec toi. Radio Arc-en-Ciel. Bonjour, c'est Lady sur Radio Arc-en-Ciel. Ooh,

t'affole pas, n'en fais pas tout un drame, ça va bien. T'inquiète pas, on est 10 000 dans mon crâne, ça va bien. Regarde-moi, je saute partout comme Jackie Chan, ça va bien. T'inquiète pas, au volant, je suis Jason Statham, on est plein. Éloigne-la si tu veux pas qu'on la charme, oui, on est plein. Baisse la voix ou t'es puni dans ta chambre. Je rêve de tout ce que j'aimerais faire. Tu sais, j'adore rêver, rêver les yeux ouverts, rêver de toi, du bonheur éphémère. Pour te garder, je veux tout essayer. Et notre amour est-il fait pour durer? Je vais semer comme le petit pousset des moments forts, impossible à oublier. On veut tout faire durer, tout immortaliser, mais en vérité, le bonheur sans nuage, dès qu'il est en cage, s'envole aussitôt en fumée. Ces moments entre nous, pour que tu trouves le chemin jusqu'à nous. Une chambre avec vue sur la liberté, les mains ouvertes, jamais fermées. Je t'attendrai sans rien te demander. Si un jour tu devais t'en aller, je veux t'aimer, jamais te posséder. C'est ma seule chance de pouvoir te garder. On veut tout perdurer, tout immortaliser, mais en vérité, l'amour est un mirage et aucun trucage ne pourra jamais le figer. Tout faire durer, tout immortaliser, mais en vérité, le bonheur sans nuage, dès qu'il est en cage, s'envole aussitôt. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Every honky tonk around, and they'll help me forget you. And the way. Voilà, donc il est 16h51 minutes. Et bien voilà, l'émission se termine. Je vous laisse avec tout simplement du country. Voilà, donc on va se retrouver prochainement. Et puis donc, on va se retrouver donc et bien vendredi entre 14h jusqu'à 17h avec les chansons souvenirs. Donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. You and a heart that surely broke and And a mind that sometimes wonders about my sanity. So they made me make this promise to me. I won't be blue anymore. I'll go out on the town, and I'll take all my friends to every honky-tonk around, and they'll help me forget you and the way it used to be. Then I won't be blue. With me, even when I'm alone, they watch over and protect me, 'cause they know how far I've gone. They're the only ones that care now, and they knew that they could help, so they made me make this promise to myself. I won't be blue anymore. I'll go out on the town, and I'll take all my friends to every honky-tonk around, and they'll help me forget you and the way it used to be. And I won't be blue anymore. No, I won't. Préparer à soi pour recevoir la parenté. Y'a du monde qu'on n'a pas vu, ça fait déjà un an passé. Mais j'espère qu'ici à soi, on va pouvoir se lancer. Mon oncle Édouard qui est bien sous, assis dans le bout de l'escalier. Ma tante Laure est enragée, qui le regarde se pacter. Mon oncle Édouard lui dit, chérie, ça arrive qu'une fois par année. On boit de la bière puis du whisky, on est ici pour s'amuser. Ah oui, t'enlève dans ton vin, on constate la veille. On va se préparer à soi pour recevoir la parenté. Y'a du monde qu'on n'a pas vu, ça fait déjà un an passé. Mais j'espère qu'ici à soi, on va pouvoir se lasser. Dans le salon, en claquant du talon, le violon, l'accordéon, en train de jouer un rigodon. Les cousins pis les cousines viennent de rentrer de la cuisine. Y'a ma préférée Francine qui me dit, Evan, donne-moi un gin. Ah oui, donc, lève dans ton vin pour qu'on se tape la veille. On va se préparer à soi pour recevoir la parenté. Y'a du monde qu'on n'a pas vu, ça fait déjà un an passé. Mais j'espère qu'ici à soi, on va pouvoir se lasser. Ah oui, donc lève dans ton vin pour qu'on se tape la veille. On va se préparer à soi pour recevoir la parenté. Y'a du monde qu'on n'a pas vu, ça fait déjà un an passé. Mais j'espère qu'ici à soi, on va pouvoir se la serrer. Hey! Ah oui, donc lève dans ton vin pour qu'on se tape la veille. On va se préparer à soi pour recevoir la parenté. Y'a du monde qu'on n'a pas vu, ça fait déjà un an passé.